Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Je vous rassure, Franck Ferrand est rentré de Florence et il va nous parler aujourd'hui de la France, de son territoire, de ses routes. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. On ne fait pas assez d'histoire quotidienne, vous savez, en insistant sur les conditions concrètes de la vie de nos devanciers. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler des routes, des voies antiques et modernes, qu'elles soient navigables, carrossables, ferrées, des routes qui ont joué un rôle essentiel dans la formation du territoire et dans la prise de conscience de notre pays comme une nation. Nous le faisons grâce au livre de Laurent Deutsch, Hexagone, qu'ont lu déjà des milliers et des milliers d'entre vous. Laurent est avec nous dans ce studio. Et à la fin de l'émission, pour rester dans le ton, vous répondrez à la question de Julie sur l'origine des feux tricolores. Ben oui, alors vous allez mesurer tout au long de cette émission à quel point certaines évidences posent en vérité des questions profondes sur les origines de ce qui nous entoure. Pour le moment, roule et carrosse, je vais vous raconter la grande époque de la poste aux chevaux. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Des années dans mes différentes occupations historiques et notamment lorsque j'écrivais des romans sur la Renaissance, je me suis demandé comment concrètement voyageaient tous ces personnages. Je pense par exemple à Marguerite d'Albret, vous savez, la sœur de François Ier, qui a passé littéralement sa vie par Mons et par Vaux. J'avais calculé qu'elle avait parcouru plusieurs milliers de kilomètres. On est au XVIe siècle. Comment ? Je vous rappelle quand même que les carrosses ne sont apparues que dans les années 1550-60. Le premier carrosse à Paris, c'est 1554 très précisément. Et surtout, ça ne se généralise qu'à partir du début du XVIIe siècle. Eh bien, ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'on voyageait d'abord par voie fluviale. Ça, c'est un aspect qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Les fleuves, les rivières étaient empruntées pas seulement par les marchandises, mais aussi via ce qu'on appelait les coches d'eau, par les gens tout simplement. Alors on naviguait sur la Garonne, la Loire, le Rhône, sur la Seine, mais aussi sur des affluents comme la Dordogne, le Cher, l'Ardèche ou encore l'Yonne. Certains prétendent que l'Yonne passe à Paris. Vous savez que c'est la Seine qui se jette dans l'Yonne, mais enfin je ne vais pas entrer dans ce débat-là, évidemment. Je suis sûr que c'est un débat qui va passionner Laurent, ça d'ailleurs. Cette navigation fluviale, elle est soumise au rythme de la nature, évidemment. Elle est limitée par l'étiage, par les crues. Le temps de navigation varie parfois beaucoup. Dites-vous par exemple que pour aller via la Loire, pour aller d'Orléans à Nantes, il fallait environ 10 jours, mais certains pouvaient mettre 14-16 jours. Ça dépendait de beaucoup de conditions, bien entendu, sans parler des péages, parce que vous aviez installé sur le parcours, tout au long, un certain nombre de bureaux d'octroi qui faisaient, pour vous donner un exemple, entre Bordeaux et Toulouse, par exemple, vous aviez 30 péages. Donc, et de temps en temps, si vous voyagiez avec des marchandises, on vous obligeait à tout descendre à terre pour pouvoir contrôler, vérifier, parce qu'il y avait une dimension fiscale à tout ça. Bon, donc ça, c'est le transport par voie fluviale. Sinon, il y avait deux moyens. En gros, soit vous étiez pas riche, et vous circuliez à pied, tout bonnement. Et on n'imagine pas à quel point nos ancêtres ont pu marcher, marcher, marcher. Il n'y a pas seulement les pèlerins, parce qu'on nous parle toujours de Saint-Jacques de Compostelle, des pèlerins, etc. Mais d'une façon plus générale, les pérégrins, si je puis dire, ceux qui marchaient, étaient presque toujours, étaient en tout cas l'immense majorité de la population. Et puis vous aviez les gens plus fortunés qui pouvaient aller à cheval. Ça coûte cher, un cheval. Au milieu du XVIe siècle, ça vaut de 4 à 9 livres. C'est-à-dire beaucoup d'argent pour l'époque, sans compter que pour les dames, il faut des chevaux particuliers, des juments qu'on appelle des haquenets, qui valent elles encore plus cher parce qu'on les habitue à marcher selon un certain pas. Elles battent l'amble, comme on dit. Alors, pour les plus riches, eh bien, il y avait la litière. Mais alors là, c'était vraiment réservé aux prélats, aux dames d'un certain âge ou aux femmes enceintes. Enfin, vous voyez, vraiment les personnes qui étaient trop faibles pour circuler à cheval. Et c'était vraiment réservé à une toute petite proportion de la population. Or, il faut pas oublier que le temps passant, les distances sont de moins en moins un obstacle à la circulation des personnes. Sous Philippe Auguste, le domaine royal s'est considérablement étendu. On va devoir recourir à des messagers royaux pour transmettre les ordres du pouvoir central dans les différentes provinces et puis pour avoir le retour, bien entendu, bref, pour faire circuler l'information, comme nous dirions nous aujourd'hui. Or, pour permettre cette circulation, il faut des gens dont c'est le métier, ces fameux messagers. Il faut pas, on les appelait les chevaucheurs. Il faut pas oublier quand même qu'il y a un important réseau routier en France, et ça on va le voir dans un instant avec Laurent Deutsch, un réseau dense qui ne remonte pas, contrairement à la légende, on nous dit toujours c'est l'époque gallo-romaine, c'est les Romains qui ont construit les routes. Non, ces routes, pour l'immense majorité d'entre elles existaient déjà à l'époque gauloise, on pourrait même dire celtique, elles remontent tout simplement à la nuit des temps. Il est très difficile pour la plupart d'en dater l'origine. Alors, au début du XIVe siècle, ce réseau de voies très denses n'en est pas moins en très mauvais état. Il faut pas oublier que la plupart sont des pistes en terre. Il n'y a pas de fondation, pas de revêtement. On a renforcé les passages un peu faibles avec des cailloux, simplement, quand c'est trop marécageux, si vous voulez. Mais dès qu'il pleut un peu, tout ça se transforme en bourbier. Il y a des fondrières impensables. Il y a des routes qui sont tout simplement impraticables. Donc, il faut changer d'itinéraire. L'hiver, je vous passe le verglas, l'été, la poussière épouvantable. C'est Froissart, vous savez, le grand chroniqueur Froissart qui, pour 1392, raconte que les proches du roi voyagent, je cite, « assez à part de lui pour lui faire le moins de poussière ». C'est-à-dire que, en fait, on est obligé d'espacer les chevaux pour ne pas tout simplement être aveuglé et pour ne pas trop tousser pendant qu'on voyage. Et puis là encore, toujours ce système de péage, etc. Sans compter les dégradations liées aux différentes guerres et notamment bien sûr à la guerre de Cent Ans, sans compter aussi les dangers que représentent toutes ces bandes, de tous ces bandits qui viennent arraisonner le bourgeois et lui demander sa bourse, enfin même l'exiger. En 1388, voilà ce qu'il est dit concernant le roi, vous savez, notre roi folle, Charles VI. Plusieurs chemins notables et anciens sont moult empiétés, dommagés et effondrés, tout ça avec des beaux Z comme à l'époque, ou autrement empêchés par ravines d'eau, par grosses pierres, par ronces et autres, plusieurs arbres. Ils sont en si mauvais état que l'on y peut aller, ne passer seulement. Disons-le clairement, il est très difficile de voyager avant la fin du XVe siècle. Et bien justement, à la fin du XVe siècle, tout ça va changer grâce à une invention extraordinaire, à laquelle nous sommes incroyablement redevables, mais dont on ne parle quasiment jamais, l'invention de la poste aux chevaux. L'ouverture du Voyage à Reims, composé par Rossini. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à votre récit sur les débuts de la poste aux chevaux. Alors pourquoi ce mot de poste? Eh bien parce que les routes en question sont semées de relais, donc de postes, si vous préférez, où l'on peut essentiellement changer de chevaux, avoir une monture, renouveler sa monture, et puis aussi peu à peu se restaurer, dormir, etc. C'est un véritable système, un système révolutionnaire qui va modifier le rapport qu'on entretient à l'espace, bien entendu. La poste est créée à la fin du XVe siècle, et elle va durer comme ça plus de 3 siècles. C'est Louis XI qui est à l'initiative. Le roi signe l'édit de Luxy près de Doullens, le 19 juin 1464. Alors, pour tout vous dire, il y a une grande polémique entre les historiens sur cette date, puisque le texte original de l'édit n'a pas été retrouvé. Celui qu'on a, donc la copie, elle date seulement de 1660, et nous disent les spécialistes, elle renferme un certain nombre d'anachronismes. Voilà ce que ce que dit le texte. Il établit en toute ville, bourg, bourgade et lieu que besoin sera jugé le plus commode, un nombre de chevaux courants de traite en traite, d'établir spécialement sur les grands chemins de royaume de 4 en 4 lieues. On va voir ce que ça recouvre ça en termes de distance. Personne féable pour tenir et entretenir 4 ou 5 chevaux de légère taille, bien harnachés et propres à courir le galop. Ça, c'est important parce que le but poursuivi par le pouvoir royal en installant ses postes, bien entendu, c'est encore une fois de faciliter le travail des messagers royaux. C'est l'information officielle qui prime, c'est ça le sujet. Cette poste d'État est donc créée en 1479, ça n'est pas controversé, et elle permet aux messagers royaux de changer de chevaux et donc d'aller toujours quasiment la même allure. À la fin du 15e, au début du 16e, on va voir la France se couvrir littéralement de ces relais de postes aux chevaux. Ce réseau de relais, bien sûr, est lourd à mettre en place. Vous imaginez que c'est extrêmement coûteux, bien entendu. Il faut construire d'abord tous ces relais, il faut les approvisionner, il faut qu'ils soient suffisamment approvisionnés en chevaux, bien entendu, puis il faut du monde pour faire fonctionner tout ça. L'institution prévoyait donc des relais, on disait tout à l'heure, de 4 en 4 lieues, c'est-à-dire toutes les 4 lieues, environ 16, un peu plus de 16 de nos kilomètres, si vous voulez. Et ce qu'on appelait une poste, la distance d'une poste, c'était 9 kilomètres. Donc les distances sont exprimées comme ça en poste, mais ça va durer jusque très tard. Encore sous le règne de Louis-Philippe, dans les années 1840, il n'était pas rare qu'on parle de 10 postes, par exemple, pour parler d'une centaine de kilomètres. Vous voyez, bon. Donc, ce qu'on appelle une poste, c'est le trajet qu'on parcourt en moyenne quand on est par terrain plat et quand il n'y a pas trop d'intempéries, ce qu'on parcourt en moyenne pendant 1 heure. Alors, vous avez donc ces relais. Dans les relais, des maîtres de poste qui s'occupent des chevaux. Vous avez les postillons qui arrivent, qui sont donc les chevaucheurs, si vous voulez, qui portent un uniforme à partir du milieu du XVIe siècle, un habit de drap bleu roi, avec une culotte blanche, des bottes qui suivent le costume et un chapeau français avec torsade or et argent. Il devait être très beau, ces postillons du roi. Et après 20 ans de service, c'est vous dire s'ils connaissent par cœur le moindre village, le moindre hameau traversé par les routes qu'ils ont l'habitude d'emprunter, au bout de 20 ans de service, ils ont sur l'épaule un insigne aux armes royales. Et bien entendu, ils sont payés. Il y a tout un barème en fonction du nombre de chevaux qu'ils ont employés, du nombre de relais parcourus, etc. Ces relais de chasse, vous avez bien compris que dans un premier temps, ils sont un privilège royal, ils sont destinés à un service public. Et puis, et ça c'est essentiel, c'est peut-être même une date encore plus importante que celle de 1479, par les lettres patentes de 1506, le roi Louis XII va les mettre, sous certaines conditions sur lesquelles nous allons venir, il va les mettre à la disposition des voyageurs. À partir de là, moyennant un prix de course, bien entendu, qui est fixé dans un premier temps à 15 sols tournois par poste et par cheval, on va permettre à tout un chacun d'emprunter le service de cette poste royale. Alors, les postillons eux-mêmes sont porteurs d'un ordre du roi, si vous voulez, et puis tous ceux qui ne bénéficient pas, bien entendu, de ce service, vont devoir porter sur leur passeport, sur leur document de... parce qu'on ne voyage pas librement à cette époque, il faudrait aussi intervenir là, il faudrait développer ça, mais j'ai pas le temps. Sur leur passeport, ils doivent être munis d'un cachet royal qui leur permet de bénéficier non seulement des services naturels de la poste, c'est-à-dire de changer leurs chevaux, mais aussi de bénéficier de tout le système d'hôtellerie mis en place. Dites-vous que sous Henri III en 1584, il y a quand même 241 maisons de poste où devaient se trouver toujours 2 chevaux et 2 hommes pour porter le service du roi, dit-on. C'est-à-dire qu'il y a au moins 2 chevaux de réserve au cas où on aurait des messages officiels à transmettre. Et puis le reste, le surplus, peut donc servir à la population, en tout cas à ceux qui en ont les moyens, parce que vous avez bien compris que voyager dans ces conditions coûte cher et coûte même très cher. On emprunte ce service de poste aux chevaux lorsqu'on bénéficie d'un certain nombre, d'abord de certains revenus, mais aussi d'un certain nombre de recommandations. C'est le duc de Saint-Simon lui-même qui, très tard, en 1721, lorsqu'il s'en va rejoindre son ambassade en Espagne, explique qu'il ne faut pas lésiner sur les pourboires aux postillons et qu'il faut jouir souvent de protection pour obtenir obtenir une place en poste. Donc vous voyez que c'est pas si évident que ça, bien entendu. En même temps, un tel maillage, un tel réseau à l'échelle de tout le royaume va permettre au pouvoir central de surveiller le territoire et de se tenir au courant des allées et venues des uns et des autres, et notamment de tous les étrangers qui voyagent à travers le royaume. Alors, là encore, comment voyage-t-on ? Eh bien, on va voyager à partir du XVIIe siècle en chaise de poste. C'est-à-dire que là, vous savez que c'est toujours, bien sûr, très inconfortable de voyager à cheval, surtout lorsqu'on bénéficie des routes de poste, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que tout ce réseau de relais est bâti sur des routes qui ont été considérablement renforcées et étendues, qui sont beaucoup plus saines, qui permettent en théorie de voyager et de galoper de jour et de nuit, et qui permettent de le faire dans des conditions de grande sûreté. Mais il faut déjà être un bon cavalier pour galoper d'une poste à l'autre. Alors, on va voir naître en 1665 ce qu'on appelle la chaise de poste. La chaise de poste est une espèce de gros fauteuil avec derrière deux mâles. Il y a deux roues portées sur un châssis, bien entendu, auquel on attelle des chevaux. C'est le marquis de Crenant qui a eu l'idée de cette chaise de poste qu'on va pouvoir louer bientôt, bien entendu. Et on verra peu à peu ce système se raffiner. On verra naître les dormeuses dans lesquelles on peut, comme vous l'avez compris, faire sa nuit, les birouches, les diligences bien entendu, les berlines à quatre portières et puis un peu plus tard encore les gondoles qui sont de grandes voitures assez allongées. En 1760 seulement, les diligences apparaissent sous leur forme définitive. Alors à quoi ça ressemble une diligence ? Eh bien, c'est une très grande, lourde voiture. Quand je dis lourde, c'était vraiment très important. Une diligence vide peut peser jusqu'à 4 tonnes. Vous voyez, c'est un très très gros véhicule. Vous aviez deux places à côté du cocher. Ça, c'était vraiment pas les places très chères, parce que souvent, il fallait payer de sa personne. Ça, c'était notamment les places dont il fallait descendre pour pousser la voiture. Vous connaissez les vers de La Fontaine, hein, dans un chemin pentu sablonneux malaisé et de tous les côtés au soleil exposé, deux forts chevaux tiraient un coche. Donc il y a ces places-là. Vous avez trois places à l'avant, alors là qui sont les places de luxe avec vue sur la route. Vous avez à l'intérieur de l'habitacle deux banquettes qui se font face avec chacune trois, on pourrait presque même dire quatre places. Et puis à l'arrière, deux places qui sont les places de postillon. Enfin, sur le toit même, on pouvait monter, on pouvait loger jusqu'à 3 voire 4 personnes. Vous voyez qu'en tout, une diligence pouvait comme ça emmener facilement 15, 16 voyageurs. Plus tard va naître, quand je dis plus tard, c'est sous la Révolution, dans les années 1792-93, vont naître les fameuses malles-postes qui sont destinées à transporter d'abord le courrier, mais dans lesquelles vous avez également la possibilité de faire monter 3 ou 4 voyageurs, des malles-postes beaucoup plus rapides, assez pittoresques. On s'installe au milieu des sacs postaux et cette fois on circule tiré par 4 chevaux à grande vitesse. La grande conquête de ce système de transport des postes, ça va être la conquête de la vitesse. Nous y venons dans un instant. Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que tout au long de l'émission, vous pouvez réagir et nous envoyer vos messages, poser vos questions à notre invité Laurent Deutsch par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La suite du récit de Franck Ferrand sur les débuts de la poste aux chevaux, c'est dans un instant sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au début de la poste aux chevaux. Alors, pendant très longtemps, depuis le milieu du XVIIe siècle jusqu'au début du XVIIIe, sous la Régence, il était interdit de voyager trop nombreux, parce qu'il fallait ménager les montures, tout simplement. Hein. Donc, dans une chaise de poste, par exemple, il est interdit de monter à deux. Et vous avez pas mal d'ordonnances royales qui rappellent cette obligation. Je pense à celle de 1708, par exemple, qui dit « Depuis quelque temps, plusieurs particuliers, alors le particulier, c'est on va dire l'usager commun, hein, ont introduit l'abus de faire atteler à des voitures à quatre roues dites berlines, quatre chevaux de poste avec lesquels ils prétendent faire la même diligence que dans les chaises à une personne seulement. Outre la pesanteur de ces voitures, elles sont encore chargées de coffres, de malles et de laquais derrière, en sorte que les chevaux de poste trop faibles pour tirer les dites voitures succombent et que les routes les plus fréquentées du royaume se trouvent démontées. Ben oui, parce que les routes sont fragiles en plus, il n'y a pas d'asphalte à l'époque. Donc plus vous roulez vite et plus vous avez des voitures pesantes et plus vous détruisez les routes, bien entendu. entendu. Donc pendant très longtemps, on s'assure qu'il n'y a pas trop de voyageurs dans les voitures, on limite le poids, c'est un peu comme dans les avions aujourd'hui, hein. On n'a pas le droit d'emporter plus de 100 livres avec soi, c'est-à-dire 50 kilos, ce qui quand même, entre nous, n'est pas mal, mais il faut vous dire qu'à l'époque, on voyageait que c'est mal, on se changeait plusieurs fois par jour, enfin bon. Et on va réglementer cette poste, et on va la réglementer jusque tard, jusque dans les années 1820-1840, jusqu'à ce que tout simplement, le chemin de fer ne vienne mettre un terme à tout ça. Pour l'instant, la traction, le moteur, ce sont les chevaux. Et c'est la grande question. Il faut arriver à fournir en chevaux tous ces relais. Et plus les gens se mettent à voyager, notamment à partir des années 1800, à partir de l'Empire, on va dire, des années 1810-1820, les Français sont pris d'une sorte de voyagite aiguë. Et il faut arriver à fournir un nombre suffisant de chevaux. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la France est le principal pays d'Europe pour ce qui est de la production des chevaux et que nous avons en France des chevaux en nombre et en qualité suffisante. C'est le comte de Chabrol, qui est ministre des Finances sous Charles X, qui écrit en 1830 « Un trajet de 100 lieues, donc 100 lieues c'est environ 400 km, ne pouvait autrefois être parcouru que dans le délai de 60 heures. Il se franchit aujourd'hui en moins de 40. » Vous voyez, donc il y a eu un progrès de ce point de vue considérable. Progrès de la carrosserie, progrès de la route elle-même. 86 heures suffisaient à peine pour courir les 77 postes qui séparent Paris de Bordeaux. 45 nous y conduisent aujourd'hui. Il fallait 87 heures pour arriver à Brest, on s'y rend maintenant en 62. Ça paraît, hein, il est tout content d'annoncer ça. La route de Lyon exigeait 68 heures, elle n'en demande plus que 47. Toulouse était à 110 heures de Paris, elle n'est plus qu'à 72, etc. Il faut dire qu'on a allégé les voitures, qu'on a multiplié les relais. Enfin, tout ça fonctionne très bien. De sorte même que vous trouvez des voyageurs qui disent que finalement, voyager grâce à la poste en France devient quelque chose de presque ennuyeux. Hein. Je n'invente rien. C'est le russe Alexandre Herzen qui, en mars 1847, écrit « Un voyage en poste à travers la France ne peut être qu'ennuyeux. On attelle en un clin d'œil, les chevaux ne manquent jamais, la chaussée est unie comme une nappe et le postillon galope d'un relais à l'autre. Autrement dit, nous avons le meilleur système de transport de toute l'Europe à l'époque, et ça c'est vrai, c'est objectif. D'autant plus que nous avons des chevaux qui sont particulièrement... vous savez que les races de trait en France ont toujours eu l'avantage sur les races de selle, c'est-à-dire qu'en fait on a des chevaux qui tirent les voitures avec beaucoup d'efficacité. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la grande question c'est la vitesse. Dans le livre de poste de 1826, on est obligé de commencer à la réglementer, cette vitesse. La course d'une poste devant se faire dans les localités ordinaires dans une heure, une poste c'est environ 9 km, hein, je vous disais, les postillons ne pourront s'arrêter sans permission que pour laisser souffler leurs chevaux. C'est la seule excuse qu'on peut leur reconnaître. Et en 1846, le livre de poste indique d'autres exigences. Il faut parcourir les différentes étapes à une vitesse minimale qui est estimée à environ, pour ce qui selon nos mesures actuelles, entre 10 et 15 km/h, ce qui paraît pas très rapide, mais vous imaginez bien qu'avec les arrêts, avec les obstacles, etc., pour arriver à 15 km/h, ça veut dire qu'il y a des moments où vous êtes en vitesse de pointe à probablement nettement plus de 20 km/h. Ça file dans ces diligences qui portent bien leur nom. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en cahotant, voyageur toujours content. Il y avait un vieux notaire, un curé et son bréviaire, une fille à marier, un monsieur très distingué. Le notaire dormait, le curé priait, la belle rougissait en silence. Le monsieur parlait et lui récitait des rondeaux et des sonnets. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en cahotant par la pluie et le beau temps. André Claveau sur Europe 1 dans cette chanson qui a bercé nos grands-mères, nos arrière-grands-mères devrais-je dire, la petite diligence. En 1838, donc sous le règne de Louis-Philippe, vous avez 1500 relais en France, vous voyez que ça a explosé, 20 000 chevaux constamment disponibles, 500 postillons qui bénéficient des lettres patentes officielles, c'est considérable, c'est une fourmilière, littéralement. Et puis d'un seul coup, tout va s'arrêter. Quand je dis d'un seul coup, c'est en quelques années. Ce système de la poste va disparaître. Pourquoi ? Eh bien parce que, tout simplement, on a inventé le chemin de fer. Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, nous allons revenir sur la poste, sur le chemin de fer, sur les voies d'une façon générale et sur ce réseau qui a fabriqué la France. C'est l'objet même de votre bel ouvrage. Ça s'appelle Hexagone et c'est aux éditions Michel Lafond. Nous sommes au cœur de l'histoire et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous parlez des chemins de l'histoire avec votre invité Laurent Deutsch, comédien, écrivain, auteur de l'Hexagone sur les routes de l'histoire de France aux éditions Michel Lafond. Laurent Deutsch qui a une très bonne idée pour tout vous dire. Je dirais pas que je suis jaloux, mais un petit peu quand même parce qu'il fallait y penser à ça. C'est-à-dire utiliser ces routes, ces chemins, ces réseaux comme une sorte de support pour raconter tout simplement l'histoire de France. Vous êtes parti d'un certain nombre de routes. Comment est venue cette idée, Laurent Deutsch ? Elle est venue à la lecture d'un livre de René Héron de Villefosse qui raconte l'histoire des routes de France et qui compare d'une manière tout à fait habile et judicieuse le réseau routier français à la colonne vertébrale, au système nerveux d'un grand corps. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de connaître l'histoire de France, c'est de se pencher sur cette colonne vertébrale. C'est ça, c'est un système nerveux littéralement. Hein. Il y a le cœur, il y a les membres. Alors évidemment, le tropisme français fait que Paris a joué depuis très longtemps un rôle central et que tout a toujours eu une dimension un peu rayonnante comme ça en France. On n'a pas un réseau aussi varié qu'on peut trouver par exemple en Angleterre. Hein. C'est sûr. Tu avais fini ton introduction avec le chemin de fer. Le chemin de fer aussi pour cela a été centralisé autour de Paris. Le système des chemins de fer, les 7 grandes voies qui partent, elles partent évidemment de Paris. Et là, ça a figé vraiment dans le dur, dans le rail, la prépondérance de Paris sur le réseau des routes. Alors comme dans Métronome, on revient sur un certain nombre des vestiges de tout cela et notamment sur les fameux vestiges des postes. Hein. Il y a encore des relais de poste aujourd'hui, il faut le dire. Ah ouais, tout à fait, sur ce qu'on a appelé le Grand Chemin qui est l'ancêtre de notre fameuse Nationale 7, eh bien il y a encore des relais de poste puisque moi ce qui m'intéresse c'est surtout de montrer aux gens qu'ils ont rendez-vous avec l'histoire dans leur quotidien, dans leurs déplacements les plus insignifiants, eh bien l'histoire les attend, leur fait un clin d'œil s'ils le veulent et vous allez par exemple à Saint-Symphorien-de-Laye ou à la Pacaudière qui est vraiment un village routier, c'est un hameau qui s'est créé sur un relais de poste avec donc des auberges, avec des restaurants, des hôtelleries où on pouvait recevoir les voyageurs. À la Pacaudière, vous avez encore le relais de poste, les logis qui gravitaient autour et toute cette activité qui se crée autour pour les voyageurs. C'était autant de nœuds de vie en fait, hein. Autour de ces relais de poste ce sont, d'ailleurs il y a eu tellement d'événements historiques hein, qui ont eu les relais de poste pour cadre, ça c'est bien sûr, je parlais tout à l'heure de la Pacaudière et quand vous allez dans le fameux hôtel de ce qu'on a appelé l'hôtel du Louvre de la Pacaudière, vous y avez eu des personnages éminents comme Rabelais, comme Molière, comme Rousseau, qui y ont séjourné, qui y ont dormi et qui y ont laissé une empreinte. Et puis on pense évidemment à l'affaire du courrier de Lyon, enfin etc. C'est toute une époque, c'est tout un monde évidemment. Les routes ont quelque chose de fascinant. Elles sont un lien, en quelque sorte. Moi, je pense que c'est la route, c'est le contrat de mariage entre un homme et sa terre. Et au-delà de quelque chose de fermé, eh bien, la route n'est pas une impasse et elle nous relie toujours plus loin vers l'autre. Elle nous permet d'apprendre, d'appréhender, de décrypter et de partir à la conquête du monde. C'est pour ça que moi, je suis fasciné par les routes. C'est comme ça que j'ai appris à écrire et à avoir envie de découvrir et de faire découvrir mon histoire. Je m'amuse à dire que Métronome comme Hexagone est un livre que j'ai écrit avec mes pieds. C'est parce que c'est en me déplaçant que j'ai eu envie de raconter des histoires et d'en savoir plus sur l'histoire. Mais en fait, il y a une véritable ambition dans ce projet. Je le précise pour les rares de nos auditeurs qui n'auraient pas encore lu Hexagone. Il faut dire que ça n'est pas seulement une petite promenade à travers les routes de France. C'est une compréhension de la constitution même du pays, du peuple français, à travers un certain nombre de routes. Et vous remontez très très loin, vous remontez dans la haute antiquité, il faut le dire. Je remonte à la création de Marseille. Marseille. Mais oui. C'est vrai que le temps. On est donc au 6e siècle, on est au 6e siècle, oui, avant notre ère. C'est difficile de commencer un livre sur l'histoire de France. Quand commence l'histoire de France? Le temps zéro de l'histoire de France, évidemment, n'existe pas. Mais pour moi, j'ai voulu commencer par une route. Et la première route mythique, légendaire, au-delà des fameuses routes soi-disant créées par les mammouths et que les hommes auraient suivies comme des traces, eh bien, c'est peut-être la voie héracléenne, racontée par Homère dans ses 12 travaux d'Hercule, qui nous explique que pour son 10e travail, Hercule va devoir aller d'Espagne en Italie. Il va donc emprunter les routes de l'Hexagone, de la France actuelle, et va laisser des légendes, des traces, des histoires, des contes magnifiques, qui sont un peu comme des mythes fondateurs sur lesquels vont s'appuyer l'histoire des routes et du réseau routier. Alors ces routes, elles sont aussi le vecteur des marchandises. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une époque marchande et commerciale et économique aujourd'hui, mais ça a été toujours plus ou moins le cas, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la route du fer, il y a la route du sel, il y a la route de l'étain, et etc. Oui, d'ailleurs, et qu'est-ce qui a poussé les Marseillais à venir s'installer sur le littoral et sur l'Hexagone au 6e siècle? C'est qu'ils vont perdre la mainmise sur la mer. Ils vont perdre le fait de pouvoir se déplacer librement et donc de commercer librement et d'aller chercher en Cornouailles, en Angleterre, l'étain, précieuse richesse, évidemment, à l'époque. Et donc, ils vont devoir rentrer dans les terres, faire la connaissance avec l'inconnu qui a l'Hexagone, des tribus autochtones. Ça va être la fameuse rencontre avec la princesse de Vix en Bourgogne. Avec ce trésor extraordinaire. Avec ce fameux vase, oui, qu'on peut aujourd'hui admirer à Châtillon-sur-Seine. Et les Marseillais vont donc faire connaissance avec ces gens-là pour pouvoir continuer à transporter et à négocier et échanger des marchandises. À échanger, à aller plus loin, la route étant toujours ce moyen de dépassement, d'échange, de communication, tout c'est simplement. C'est un mariage, c'est une alliance. Et l'histoire ne s'est faite que par ces mariages et que par ces alliances. Et vous le montrez brillamment, c'est passionnant. On a l'impression d'une dynamique. Et j'aime beaucoup cette image que vous avez employée tout à l'heure, qui est celle du système nerveux, en quelque sorte. C'est vrai que on peut comprendre qu'il y ait naturellement de grandes routes fluviales. Bon, ça suit le tracé des cours d'eau. Ça, c'est pas très compliqué. Même si les cours d'eau, d'ailleurs, se sont déplacés avec le temps. Et ça nous apprend bien des choses sur certains villages, etc. Mais j'entrerai pas dans ce détail-là. Mais c'est beaucoup plus étonnant d'imaginer qu'il y ait aussi des espèces de fleuves terrestres, si je puis dire. Que certains grands axes sont là quasiment de toute éternité. Et ouais, il y a aussi les chemins de crête qui vont devenir qui ont été essentiels dans la haute antiquité, qui étaient les endroits qu'empruntaient les mules. On mettait les mules et les mules étaient peut-être plus habiles et avaient un sens inné. Elles choisissaient pour l'homme, en fait. Elles choisissaient pour l'homme les endroits qui ne s'éboulaient pas, qui n'étaient pas soumises aux inondations ou des choses comme ça. Les endroits sûrs, il suffisait de suivre un troupeau ou de mules ou de moutons et on était certain d'avoir une route assez praticable et moins risquée. Alors je suis sûr que certains de ceux qui nous écoutent se disent, mais alors c'est incroyable, Laurent Deutsch qui d'habitude est dans une histoire très chronologique avec des personnages pour certains quasi mythiques, d'un seul coup il nous fait de la grande histoire comparée et il mélange ce que Giraudoux appelait le tracé des grues volantes et des races. Mais non, je rassure les gens, les grands héros ils sont toujours là, y compris les plus anciens, je pense à Brennus par exemple. Ouais, alors c'est vrai que moi j'ai eu une priorité qui était d'abord de raconter l'histoire et les siècles que nous avons donc traversé pour arriver jusqu'à nous par la route. Ma priorité, c'est de raconter un siècle avec une route. Ensuite, c'est évidemment de trouver sur cette route des vestiges qui seront comme les petites pierres. On parlait tout à l'heure des postillons et des chemins de poste. Et bien, c'est ça, les pierres du petit Pousset comme autant de vestiges pour se repérer sur cette route. Mais évidemment, j'ai besoin de grandes figures, de grands héros, de grands personnages qui ont emprunté ces routes-là pour raconter et incarner ces routes parce que toute histoire a besoin d'incarnation. Et cette incarnation, chez vous, elle prend toujours la forme du mythe et de la légende. Vous y allez hein, dans les anecdotes, si je puis dire. Le mythe, la légende, c'est le substrat de l'histoire et c'est constitutif de la réalité historique. Il n'y a qu'à lire les travaux de Paul Vane pour s'en persuader. Tout part d'apport d'hypothèses et même la science. Pour arriver à la science et à l'objectivité la plus absolue, la plus certaine, la plus grande des certitudes, il faut conjecturer d'abord, il faut faire des hypothèses et l'hypothèse, c'est la foi, la croyance, la légende. Il y a à ce propos, c'est votre 17e chapitre au 11e siècle, parce que c'est par période, hein, c'est par époque, bien entendu. Vous nous emmenez de Senlis à Cluny par le chevelu médiéval. Oui, c'est ce qu'on appelait le chevelu médiéval, ce qui était justement la route aussi traduit la politique de l'époque. On a quitté l'Empire romain avec donc ces énormes territoires qu'on devait traverser la plus rapidement possible. Donc, qu'est-ce qui va le plus vite? C'est évidemment la ligne droite pour aller d'un point point à un autre, eh bien avec la naissance de la féodalité et du morcellement, de la création de petits territoires, eh bien la route va aussi suivre ces nouvelles exigences qui seront celles d'aller d'un château à un autre ou d'un château au village, de manière un petit peu plus courte, raccourcie, et en tenant compte de certaines prérogatives ou de certaines exigences de petits seigneurs locaux comme ça, on va quitter les grandes vues des Romains pour arriver aux vues plus courtes des petits seigneurs. Et ces petits seigneurs se livrent à certains trafics, je pense notamment aux abbayes, avec le grand trafic des reliques par exemple. Là, il y a toute une géographie hein, des reliques et des pèlerinages. Exactement. C'est fondamental. C'est les premières grandes migrations finalement ça. Les grandes transhumances, en tout cas. C'est sûr que... Qu'on appelle les pèlerinages, évidemment. Il y a les premiers pèlerinages, au 4e siècle, par exemple, le pèlerinage le plus important pour les chrétiens est un pèlerinage qui les amène à Tours, chez Saint-Martin. Donc, c'est en France, les pèlerinages ont entraîné vraiment des grands mouvements et des grands mouvements migratoires de pèlerins. Vous parliez de ce grand axe nord-sud, de cette nationale 7. Ouais. Elle est chantée par Charles Trenet, bien sûr. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette, on est heureux, National 7. National 7, c'était Charles Trenet sur Europe 1. Nous vous retrouvons, Franck Ferrand, avec votre invité Laurent Deutsch, dans un instant sur Europe 1. De là. Un cavache mine, va trottine, va petit âne, va décide là qu'un carane picotin te récompensera. Décide là, qu'un cavache mine, va trottine, va petit âne, va décide là qu'un carane picotin te récompensera. Et moi, de la voir si joyeuse, je me sens triste malgré moi. Ah, que c'est amusant, un âne, mais qu'un bruit si gueuse entre nous. Bien moins encore entendez-vous que la coquette qui me donne. De-ci-de-là, qu'un cavache mine va. De-ci-de-là, un extrait de Véronique, une opérette d'Albert Vanloo et Georges Duval. Aujourd'hui, vous avez remarqué, hein. Pardon, on est dans le vintage. Oui, c'est ça. Généralement, le vintage, ça revient à la mode. Et là, je suis pas sûr. J'ai des doutes. Oh, c'est charmant, en même temps, Véronique. Ouais, je trouve que c'est charmant. C'est pas désagréable. Il faut l'écouter en route, alors. Voilà, mais justement, ça donne une idée de ce qu'étaient ces voyages. Il y avait d'ailleurs, et ça, c'est très intéressant, tout un imaginaire du voyage. C'est très important, ça. Il y a un imaginaire de la route qui se développe peu à peu à partir, qui est très littéraire depuis Du Bellay jusqu'à Victor Hugo et au-delà. Ah ouais, il y a de là aussi le mythe du juif errant, des choses comme ça. C'est sûr que la route, c'est l'inattendu, on a besoin de se rassurer sur la route, c'est tout ce qui est un petit peu en dehors de la ville, tout ce qui à la fois effraie et attire, et ça c'est quelque chose qui nous pousse sur la route. Alors vous avez sélectionné environ 25 ou 26 itinéraires, hein, oui. En fonction des siècles et des grandes thématiques que vous abordez et développez. Il y a quelque chose d'un Tour de France dans tout ça, si l'on peut dire. Ça fait penser évidemment au célèbre manuel pédagogique du Tour de France par deux enfants, hein, qui est sur lequel on ont appris à lire des générations et des générations à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Ça fait penser tout simplement même à notre Tour de France cycliste d'aujourd'hui. À moi, je fais souvent référence quand je parle de mon livre au Tour de France. C'est lui qui m'a donné envie de me dire, mais pourquoi, comme à la manière de Jean-Paul Olivier quand on écoute le Tour de France, pourquoi ne pas prendre la route, partir de cette surface tellement enchanteresse, magnifique. Moi, je suis subjugué, je regarde le Tour de France avec passion. On voit se dérouler devant nous notre géographie, et évidemment que notre géographie, c'est de l'histoire. La surface, ce n'est que le résultat de choses qui ont quelque chose à nous dire, et on pénètre en profondeur immédiatement. On part de la surface pour aller vers le fond des choses. C'est un petit peu ce que nous raconte Jean-Paul Olivier sur les routes du Tour de France. Alors, vous accordez une place très importante aux périodes anciennes, et notamment à l'Antiquité, hein, qui joue un rôle très important. Finalement, non. J'essaie de un peu comme métronome, qui est un outil pour rythmer les choses, équilibrer les choses. J'en dis autant au 6e siècle avant notre ère qu'au 21e siècle ou au 20e siècle. En fait, comme c'est sûr que ce livre-là, je le fais dater de la naissance de Marseille, il a 2600 ans d'âge. Eh bien, si l'époque moderne n'a que 200 ans d'âge, c'est sûr qu'il y a 2400 ans qui sont, si j'ai bien compté, qui sont un peu... donc, il l'emporte, mais c'est une chronologie assez mathématique et implacable. Et c'est la chronologie du peuplement. Ça, c'est fondamental, parce que votre livre, finalement, ce qu'on en retient, c'est que c'est une histoire du peuplement. Oui, tout à fait. Et c'est par la route, on est allé à la rencontre de l'autre. Et j'aime bien cette phrase de Michelet qui dit que la France, c'est un métissage, et c'est quelque chose de, c'est un miracle de gens différents qui finalement ont cohabité, ont vécu ensemble, qui étaient si différents jusque dans leur langue. On parlait pas la même langue jusqu'au 19e siècle, et pourtant on se reconnaissait comme français, on s'identifiait comme français. C'est aussi ça, ce miracle qu'a réalisé la route. Oui. On peut dire que les routes ont permis le développement d'un certain nombre de spécialités régionales. Ça, c'est très important. On se met à faire du bois dans certaines régions. Avec le développement des manufactures, peu à peu, on va voir se spécialiser un certain nombre de villes. Et grâce soit à l'acheminement fluvial, soit au système des routes, eh bien, se créent peu à peu des espèces de lignes économiques et de spécialités marchandes. Hein. Tout à fait. Et on a parlé tout à l'heure de la guerre. Tu as parlé, Franck, de la guerre de 100 ans et de cette tragédie qui a lieu entre le 1350 et 1450, où la France va perdre sa supériorité européenne parce qu'elle n'aura plus la maîtrise des principales routes commerciales. On va se déplacer pour aller par exemple de Flandre en Italie, on va se déplacer hors des frontières françaises. Ce n'était pas le cas avant avec les foires de Champagne, où tout rayonnait en France, et c'est ce qui faisait que la France avait sa suprématie. C'était le rendez-vous majeur pour l'économie et pour le commerce. Ça va être perdu et récupéré par nos voisins continentaux, et là encore c'est la route finalement qui faisait la puissance du pays, et ça a été perdu par les Français à l'aune de la guerre de 100 ans, et on s'en est toujours parmis d'ailleurs. Alors qu'à chemin faisant, si je puis dire, on trouve dans le livre un certain nombre de trésors. Ce sont des encadrés qui permettent de faire le point, de faire un coup de projecteur sur certains aspects bien particuliers. On parle notamment de la fameuse poste aux chevaux dont je parlais tout à l'heure avec Louis XI. Hein, oui, c'est ça, et exactement. Et ça ne fait rien de l'air. Oui. Mais oui, parce que j'ai besoin de montrer, c'est ce que je disais, que ce livre qui, au-delà d'un livre historique, d'un récit d'histoire de France à travers les routes, c'est aussi un guide pour vous amener sur la route, pour vous pousser sur la route et pour vous montrer que cette histoire, eh bien, elle est au contact, elle est connectée, elle est avec vous, elle est encore présente, in situ, et non pas seulement dans les musées ou dans les livres. L'histoire de France, elle est partout autour de nous, et ce sont des trésors qui sont magnifiques parce qu'ils sont inestimables. C'est quelque chose qui est irremplaçable, et c'est encore là pourtant. Il y a une notion que j'aime bien, c'est la notion d'intelligence des lieux. On a l'impression, en lisant ce livre, de comprendre mieux le paysage où l'on se trouve et les lignes de force finalement de ce pays. Je te rejoins tout à fait. Tu sais, moi, ce qui m'a donné envie de m'intéresser à l'histoire de France, c'était une visite scolaire quand j'étais plus petit. J'habitais dans l'Ouest et j'avais été visiter la petite forteresse romaine de Jublain. Et donc Jublain, c'est une petite forteresse qui a été créée à la fin du 3e siècle. On est à la fin de la paix romaine, début de ce qu'on a appelé les grandes invasions barbares. Et donc les Romains se sont un peu rétractés. Les villes se sont réduites derrière des remparts. On a l'apparition des principaux remparts du point de vue militaire. Il y avait déjà des remparts, mais ils étaient honorifiques auparavant. Et là, il va y avoir des enceintes, il va y avoir des petits châteaux forts qui vont se créer, des petits fortins qui donc traduisent cette période de danger, d'insécurité. Eh bien, j'en avais visité un dans la Mayenne quand j'étais petit. Il fallait faire un effort d'imagination parce que ça a été très arasé. Mais je me suis retrouvé nez à nez avec cette période des grandes invasions. Donc pour moi, tout d'un coup, l'histoire m'a parlé, et effectivement, il y avait une intelligence des lieux, ou en tout cas, les pierres me racontaient quelque chose. contrairement aux prédictions des mauvais augures, je lis ça à la page 409, la seconde partie du 19e siècle va voir le triomphe du chemin de fer. Une première ligne exclusivement destinée aux passagers est tracée par Émile et Isaac Pereire entre Paris au départ de l'embarcadère Saint-Lazare, ainsi nomme-t-on les gares au début, on parle d'embarcadère, hein, ce sont des vaisseaux qui partent. C'est ta référence au trafic fluvial, exactement. On a d'abord emprunté les fleuves. Et Saint-Germain-en-Laye, on le voit, le vocabulaire ferroviaire reprend quelques termes de la marine, en effet, on parle d'embarcadère, de débarcadère, de quai, etc. Ces 20 km de voie pour voyageurs sont inaugurés le 26 août 1837. S'il y avait une date à retenir, peut-être la grande inflexion, elle est là. Ce jour-là, Émile Pereire convie quelques autres privilégiés à un déjeuner dans le cadre enchanteur du pavillon Henri IV à Saint-Germain-en-Laye, là où était né Louis XIV, du reste. Et la grande salle à manger du pavillon Henri IV, c'est la chambre où Anne d'Autriche a accouché. La reine Marie-Amélie, épouse de Louis-Philippe, quelques investisseurs et une poignée de politiciens sont attendus. Au menu, escalopes grillées et frites, le maître que Jean Collinet guette à la jumelle le débarcadère du Pec, qu'il aperçoit du haut de sa terrasse. Soudain, il voit un mouvement, les convives vont arriver. On est toujours quand même dans l'histoire vécue, incarnée, charnelle. Ouais. Et puis en plus, ça c'est une anecdote magnifique, puisque donc il va se tromper, et donc ce n'est donc pas le train qui arrive. Il s'est trompé. Il va devoir ressortir les pommes de terre et les réintroduire plus tard, et ça va créer la pomme de terre soufflée. Oui, j'ai besoin de ce genre de petites anecdotes pour vous raconter à quel point ceux qui nous ont précédés, illustres comme humbles, n'étaient pas différents de nous et avaient les mêmes préoccupations et les mêmes vicissitudes aujourd'hui. Je crois que les lecteurs en ont besoin aussi, parce que c'est ce qui permet de retenir les choses aussi. Ce sont des éléments saillants auxquels on accroche des souvenirs comme ça. C'est ça qui est magnifique. Et puis ça magnifique. Les descend un peu de leur piédestal, tous ces illustres-là. Ils étaient faits de chair et de sang comme nous, et ce sont nos aïeux, tout simplement. Alors, les voies fluviales, les chemins devenus routes de poste, peu à peu les grandes voies, et puis bien sûr le chemin de fer. Et alors, beaucoup plus tard encore, un siècle plus tard, ça va être le début du macadam. Faut dire d'où ça vient d'ailleurs. Ah bah oui, ça vient d'un Écossais qui s'appelait Macadam, tout simplement. C'est ce qui a inventé le système. Mais d'ailleurs, Perronet avait déjà inventé quelque chose qui s'en rapprochait. Mais on a retenu Macadam. On a préféré les Écossais. Ça va être pour le whisky. Alors, on va créer là des routes, et puis plus tard des autoroutes. C'est aussi la grande période, avec les chemins de fer d'ailleurs, de l'ouvrage d'art. Il ne faut pas l'oublier que la France, comme par hasard, a toujours été leader dans le monde des ponts et chaussées, hein, puisqu'on a construit des ouvrages à travers la planète entière. Pas seulement Gustave Eiffel, dont on parle toujours, mais bien d'autres ingénieurs français. Il y a un goût des Français pour la route. Ouais. Et ça, on le doit aussi au vélo. Parce que c'est vrai qu'avec la suprématie au 19e siècle du chemin de fer, la route va être assez abandonnée. Et quand le vélo en 1902 va faire un petit peu son apparition, il va falloir réparer le réseau routier. Et c'est d'ailleurs pourquoi les autoroutes n'arriveront qu'après la Deuxième Guerre mondiale. C'est parce que le réseau des routes nationales était hyper bien entretenu et de suffisamment bonne qualité, et avec un réseau suffisamment diversifié et présent, qui rayonnait un peu partout, qui ramifiait tout le pays et qui n'entraînait pas la légitimité de créer un réseau plus moderne avec les autoroutes. Il suffit d'aller se promener un peu en Afrique ou même en Amérique, hein, pour se rendre compte de l'incroyable qualité des routes en Europe en général et en France en particulier. Et ces routes, c'est là le plus fort, c'est qu'elles reprennent souvent le tracé des plus anciennes voies dites romaines, mais qui, comme je le disais, sont souvent des voies antiques, bien antérieures aux Romains. On a dit souvent que c'était les Romains qui inventaient la route. C'est évidemment faux. On sait que pendant sa campagne de guerre des Gaules, César, je crois, n'a eu besoin de créer qu'un seul pont ou quelque chose comme ça. Ça prouve qu'il y avait déjà un réseau, il a été très très vite, et ça, sans route, on peut pas aller aussi vite, même si on s'appelle César. On peut dire que des ponts, Laurent Deutsch en crée beaucoup grâce à cette espèce de conception transversale de l'histoire de France. On se promène d'un point à un autre, d'une époque à une autre, et l'on voit tout simplement le pays qui se met à vivre. C'est comme si on suivait les influx nerveux sur la peau même de la France. Ça s'appelle Hexagone, sur les routes de l'histoire de France, et c'est publié chez Michel Lafon. Merci beaucoup Laurent. Merci beaucoup Franck. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Julie sur l'origine des feux tricolores. Retour aux origines. Et vous répondez, Franck Ferrand, à la question de Julie, hein, qui vous l'a posée via votre Twitter, qui s'interroge sur les couleurs des feux tricolores. Oui, c'est amusant comme question, puis ça va directement, c'est le prolongement même de notre discussion avec Laurent Deutsch. Alors, c'est à Londres, figurez-vous, qu'apparaissent les tout premiers feux de signalisation, une invention qu'on doit à un ingénieur des chemins de fer britannique qui s'appelait John Picknight. On est là en 1868. Au départ, c'était une lanterne à gaz, hein, qu'un agent de police faisait pivoter à l'aide d'un levier. Vous imaginez comme ça devait être pratique. pour faire apparaître tour à tour un signal rouge ou vert. Alors, pourquoi le rouge et le vert? Ben, c'est pas très facile de vous répondre. Il semblerait tout simplement que ce soit des couleurs qu'on reconnaît très facilement. Vous savez, le cerveau humain reconnaît dans l'ordre de facilité, hein, le rouge, l'orange, le vert et puis le violet. Ça, c'est les couleurs qui apparaissent le plus naturellement. Elles ne demandent aucune élaboration mentale. Bon, il y a quand même une raison historique à tout ça, j'ai envie de dire heureusement, et un peu sociologique si vous voulez. Depuis le Moyen-Âge, la couleur rouge est associée à l'interdiction. Hein. Le rouge, c'est ce qui est inaccessible en quelque sorte. Et c'est également donc la couleur que l'on voit le mieux de loin. Pourquoi est-ce qu'on choisit le vert? Ben parce que c'est le contraire. Enfin, c'est la couleur, vous savez, sur le cercle chromatique. Hein, c'est l'exactement complémentaire du rouge. Donc, alors, sauf si vous êtes totalement daltonien, sinon c'est très facile de distinguer le vert du rouge. Bon. Et pendant très longtemps, les feux rouges, si je puis dire, les feux de signalisation, se contentent de ces deux couleurs. Le premier, il est installé à Paris en mai 1923. C'était au croisement des boulevards Saint-Denis et Sébastopol, figurez-vous. Plus tard, 10 ans plus tard seulement, on va installer les feux tricolores pour permettre de signaler l'arrivée du feu rouge, tout simplement. Alors pourquoi est-ce qu'on a installé un feu orange entre le vert et le rouge? Vous me permettrez pour une fois de donner ma langue au chat. Je pense que c'est l'ingénieur de l'époque. D'ailleurs, au départ, ils n'étaient pas orange. Hein, le feu intermédiaire, il était tout simplement jaune. Entre le rouge et le vert, ils se sont dit ce serait bleu ou jaune. On a mis le jaune parce qu'on le voyait mieux. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas aller beaucoup plus loin dans cette explication. Mais vous saurez en tout cas, et c'est ce que vous pourrez retenir pour le dîner de ce soir, que les feux rouges en France, c'est 1923.